là que tu voulais arriver, ressasser nos vieilles promesses et nos angoisses aggravées. Les rêves que tu dévorais, la patience que tu m'accordais pour mieux nous protéger, nous avancions d'un pas léger. Foutions en l'air nos certitudes. Nous nous aimions nous voir souffrir. Alors allons-y, inventons-nous une histoire qui puisse rendre notre existence abordable. Envisager de grands espaces, parfois peu blessés, et je laisse aux autres leurs yeux s'efforcer de nous juger. Maintenant tu es vulnérable, tes résolutions soudaines t'accablent. Quand la séduction devient une arme, nul ne sait où ça la mène. Les charmes discrets que tu dérobes, et puis tous ceux aussi que je sais apprivoiser. Fallait-il rendre public toutes ces impertinences? Je te rends cet affront. Et pour moi, voilà.